ما حكم من خاف من اعتداء الكفار والمشركين وجاملهم في بعض أفعالهم المنكرات خوفا منهم وليس إكرارا أو رضاء بما يفعلون. Donc maintenant, quel est celui qui a peur justement de récidive des kuffars sur eux, qu'il leur fasse du mal, donc il fait preuve de fausse politesse envers eux dans certains actes de mal qu'ils font par peur. Il fait comme s'il cautionnait, d'accord, par peur d'eux, mais au fond lui il ne reconnaît pas, il n'aime pas cela. يقول لا يجوز للمسلم أن يجامل الكفار على حساب دينه أو أن يوافقهم في أفعالهم لأن أفعالهم ربما تكون كفرا وشركة وكبائر من كبائر الذنوب. Donc il n'est pas permis aux musulmans de faire preuve de fausse folie envers les kuffars sur le compte de sa religion ou qu'ils les approuvent dans ce qu'ils font, car leurs actes, c'est-à-dire des kuffars, peuvent être de la mécréance pure, ça peut être du haram comme ça peut être du kufr. Ça peut être parmi les grands péchés. فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوَافِقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ أَنْ يُشَارِكَهُمْ فِي ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ بَلِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُظْهِرَ دِينَهُ. Donc il n'est pas permis aux musulmans d'approuver cela et de participer avec eux dans cela de son propre gré, de son choix. Ce qui exclut de cela la contrainte et la daroura. Des fois, par exemple, tu vas, si tu ne le fais pas, tu peux te faire tuer, tu peux perdre, avoir un mal dans ton honneur, comme ta famille, dans tes biens, une perte que tu ne supporteras pas. Que tu ne supporteras pas. Non, ça c'est pas... Ça ne rentre pas dans un autre travail, il prend un autre travail. Personne ne travaille, prend un autre travail. Tu vois ? Par exemple, je sais pas, t'as des biens, ils te disent, tu passes, on te détruit ta maison, détruit ta voiture, alors on fait casa, tu vois. Juste qui lui appartiennent là, maintenant, là. Ah, maintenant, on te dit, si tu peux pas ça, t'es viré, ah, là, vire-moi. Alors, c'est dans ça que je vais trouver un boss ailleurs, tu vois. Donc, le fait de le faire de toi-même, sans contrainte, reconnue par la législation, cela n'est pas permis. Il doit faire apparaître sa religion. Et cela, c'est révu justement, ces gens-là, maintenant, là, qui parlent de cette charte des principes de l'islam de France, qui vont signer cette charte qui contient du kufr bawah, du kufr clair, tu vois, et ils n'ont aucune contrainte, ils ne sont pas menacés de mort ni rien du tout, juste si ils ne peuvent pas, ils sont virés, bah vire-moi, et ben eux, ils ne sont pas excusés de ce qu'ils font là, d'accord, ils ne sont pas excusés, ils n'ont pas à signer, je vais être imam, c'est juste pour être imam que je veux signer, d'accord, on dit être imam c'est pas wajib sur toi, signe pas ça, c'est-à-dire tu veux guider les gens en islam. En faisant quoi? En faisant le haram. Ça n'existe pas, ça. Tu vois? La chose, Inna Allah tayyib, wa la yakbal li tayyiban. Allah, il est bon d'accepter ce qui est bon. Donc, ton imam, doit être basé sur une chose qui est sur la taqwa. Pas sur le haram. D'accord? Pas sur le haram. Tu n'as pas le droit. Qal, wa la yajuzu lahu al-iqamat man al-kuffar, wa al-baqa fi biladihim. Il est zakana yakdir ala izhar dinihi. Il n'est pas permis de rester dans le pays des koufars et de rester dans leur pays, sauf si il est en mesure de voir, faire apparaître sa religion. Il yamour bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yad'u ila Allah wa zawa izhar ad-din. Fa idha kana la yastati'u dhalika wajaba 'alayhi an yuhajir bilad al-muslimin min bilad al-kuffar wa la yabqa fiha ala hisab dinihi wa 'aqilatihi. Donc maintenant, s'il ne veut pas faire apparaître sa religion, à ce moment-là, il est obligatoire d'émigrer des pays de koufars vers ceux des musulmans. Il ne reste pas là-bas sur le compte de sa religion. Quand elle est wahalat al-ikrah, la hukm khas, comme il dit. Maintenant, les cas contraints, ce sont des jugements qui sont particuliers. Man kafara billahi min ba'di imanihi, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man sharaha bil kufr sadran fa 'alayhi ma'dhabun min Allah wa lahu 'adhabun 'azim. Celui qui a mécru à Allah, après qu'il ait eu la foi, c'est-à-dire son plein gré, lui sera mécréant. À part celui qui aurait été contraint alors que son cœur est empli de foi. Quant à celui qui aurait fait cela de plein gré, d'accord, alors lui, il aura la colère d'Allah, il aura un châtiment immense. Wa qala wal masmouh bihi fi hadi al-hala innama huwa al-qawl bil lisan dun muwafaqat al-qalb. Et dans cette situation-là, la seule chose qui est permise, c'est de prononcer par la langue. D'accord. Alors, par exemple, quelqu'un dit, si tu dis pas ça, je te tue. Tu dis pas que Isa, c'est le fils d'Allah, je te tue. Et vraiment, il va te tuer. Tu le dis. D'accord ? Tu dis insulte Allah, ou je te tue. Insulte Allah, Azza wa Jal. Sinon, on va te faire tuer. Maintenant, si tu le fais pas, bah allez, si jamais tu peux, t'excuser. D'accord ? T'excuser. On te dit, si tu fais pas, je suis ta femme. Ton enfant, par exemple. Là, c'est quelqu'un de contrainte.